Quand je suis pas dans la cité, je suis juste à proximité. Tout comme les autorités, y'a un périmètre à respecter. Je suis à l'épicier du coin, en face du rond-point. Dis-moi si t'as besoin, et au pire on se rejoint. Devant nos bâtiments, c'est notre plus bon fond d'écran. Tape la démarche au ralenti, c'est bien plus élégant. Yes, side, la tête aux pieds, c'est made in Shanghai. Les grands sont dans le gros et les petits sont dans le détail. On nique les keufs, ça c'est pas une nouveauté. Jamais à court d'idées pour pouvoir les insulter. La street à l'état pur, la street à l'état dur. La street réalité, y'a pas de street caricature. Chacun son truc, on veut tous arriver au but. Même si on lutte, nous on s'incruste pour pas que la vie nous ampute. Qu'est-ce t'en dis? Moi c'est mon point de vue. Tout ce que j'ai aperçu, j't'en fais le compte rendu. Désormais, j'viens vous informer. J'dis ce que j'vis sans ne rien déformer. J'vous préviens mon arrivée dans le milieu. Fallait bien quelqu'un pour représenter la banlieue. Y'a pas plus précis, y'a pas plus décis. Déter comme Thunder, c'est prouvé dans mes récits. En bas des tours, chaque jour c'est le même scénario. Changerai pas de discours, j'suis le ghetto en format audio. J'ramène le produit que les Kaira sollicitent. Qui traîne là où t'habites, dans les endroits illicites. Véritier. Dans un iPod ou dans une Volkswagen. Depuis sa grotte, il terrorise comme l'a fait Ben Laden. Tu te reconnais dans les couplets de mes sons. Tellement j'rappe la banlieue, je peux écrire pour lui faire son. Y'a pas photo, je suis le ghetto en format audio. Révolté par la sermine, nos familles en manque de CEO. On a les crocs, la France on va la damer. Nos souffrances et ça depuis des années. On est affamés, on peut pas se calmer. Déterminé pour nous stopper, faudra nous canner. Que la saga continue, tant qu'il y aura du contenu pour assurer ma venue. Ils vont m'entendre, mais surtout ils vont me voir. Préviens le rap français que je vais lui prendre son territoire. Désormais, je viens vous informer. Je dis ce que je vis sans ne rien déformer. Je vous préviens de mon arrivée dans le milieu. Fallait bien quelqu'un pour représenter la banlieue. Y'a pas plus précis, y'a pas plus décis. Déter comme Thunder, c'est prouvé dans mes récits. En bas des tours, chaque jour c'est le même scénario. Changerai pas de discours, je suis le ghetto en format audio. Mister C-R-O-M-A. Le ghetto en format audio. Le ghetto en format audio. On n'est pas des quartiers chics. On n'est pas des quartiers chics. Mais plutôt des quartiers chics. Mister C-R-O-M-A. C'est le ghetto en format audio. Désormais, je viens vous informer. Je dis ce que je vis sans ne rien déformer. Je vous préviens de mon arrivée dans le milieu. Fallait bien quelqu'un pour représenter la banlieue. Y'a pas plus précis, y'a pas plus décis. Déter comme Thunder, c'est prouvé dans mes récits. En bas des tours, chaque jour c'est le même scénario. Changerai pas de discours, je suis le ghetto en format audio.